Je rentre chez moi à la nuit tombante. Je garde ma voiture sur une place payante. Je pose un ticket derrière le pare-brise, puis je vais me coucher tranquille comme Baptiste. Le lendemain matin, quand je veux repartir, je découvre un PV qu'on vient d'introduire sous mon essuie-glace en guise de cadeau. Alors qu'il y a mon ticket, espèce de salaud. Une histoire de fou, comment on n'en voit plus. Une histoire de fou, comment on n'en fait plus. Une histoire de fou, comment on n'en voit plus. Une histoire de fou, comment on n'en fait plus. Je deviens fou furieux et je regarde partout, savoir qui m'a fait ce sale mauvais coup. Puis je fais ronfler le moteur de la bagnole vers le commissariat chez les Tartignoles. Je demande pourquoi j'hérite d'un PV alors que j'avais fait bien tout ce qu'il fallait. On me répond que d'après ce qu'on lit, mon ticket était un peu trop mal mis. Une histoire de fou, comment on n'en voit plus. Une histoire de fou, comment on n'en fait plus. Une histoire de fou, comment on n'en voit plus. Une histoire de fou, comment on n'en fait plus. Toujours plein de rage, je rentre chez moi, disant que j'y agirai la prochaine fois. Je regarde plus près ce fameux PV, et qu'est-ce que je vois là, clairement sous mon nez. Le PV n'était vraiment pas pour moi, un autre numéro inscrit sur l'exploit. C'était sûrement l'œuvre d'un petit plaisantin qu'avait fait l'échange, sans doute un gamin. Une histoire de fou, comment on n'en voit plus. Une histoire de fou, comment on n'en fait plus. Si vous connaissez une histoire comme ça, eh bien écrivez, on vous répondra.